l'état de l'homme, à son attitude envers Dieu. Dieu a fait une œuvre nouvelle pour que l'homme puisse posséder et connaissance et obéissance à son égard et amour et témoignage pour lui. Ainsi l'homme doit expérimenter purement par Dieu ainsi que son jugement, son traitement, son émondage, sans quoi l'homme ne connaîtrait jamais Dieu et ne pourrait jamais vraiment l'aimer. L'aimer purement par Dieu la vérité, ainsi l'heure.